Le porte-parole du Conseil des personnalités sud-coréennes résidant au Nord pour la promotion de la réunification pacifique a publié le 26 un entretien qui dit notamment « Récemment, une cérémonie de commencement des travaux d'un soi-disant musée des personnes enlevées au Nord au temps de la guerre du 25 juin s'est tenue au parc Nuri de la paix du pavillon d'Imjin de la ville de Pazu, province du Gyeonggi. Lors de son discours, le ministre de l'Unification Hong Yong-pyo a divagué que le problème des personnes enlevées au Nord en temps de guerre est un problème moral à être réglé infailliblement et que l'enlèvement au Nord doit être éclairci correctement tout en dévoilant sa tentative malsaine de livrer plus scélératement la confrontation contre notre République, auteur du problème en question. Quant aux personnes enlevées au Nord dont parlent les autorités sud-coréennes, ce sont des gens qui, désenchantés de la provocation de la guerre contre le Nord par les États-Unis et les fantoches de Syng Man Rhee, et de la domination coloniale, se sont installés volontairement en République populaire démocratique de Corée à la recherche de la vérité authentique et du berceau du bonheur à l'époque de la guerre de libération de la patrie. Leur vie heureuse et méritoire dans le giron de notre République est déjà bien connue chez leurs familles et proches en Corée du Sud à travers leur visite au pays natal et les retrouvailles des familles et proches séparées tenues à plusieurs reprises entre le Nord et le Sud. Les autorités sud-coréennes sont justement l'auteur de l'enlèvement et pire violateur des droits de l'homme. Au temps de la guerre du 25 juin, les États-Unis et les fantoches sud-coréens ont emmené de force beaucoup de gens en Corée du Sud, faisant bruit de la menace de la bombe atomique pour leur infliger des souffrances dues à la séparation pendant des dizaines d'années. Aujourd'hui encore, les autorités sud-coréennes ont kidnappé en plein jour nos citoyens, y compris les 12 jeunes filles, ce qui est un crime anti-humain. Si la bande de Bakune met sur pied même le soi-disant musée des personnes enlevées au Nord en temps de la guerre du 25 juin, c'est pour ne rejeter par tous les moyens le crime de kidnappage afin de livrer plus frénétiquement une campagne pour calomnier les droits de l'homme du Nord et d'éviter tant soit peu la pire crise de domination. Nous ne tolérerons point la provocation abominable de la bande de Bakune qui se démène à la démagogie contre notre République tout en falsifiant le problème en cause inexistant et infligeront une punition sévère au nom de toute la nation des réfugiés au Nord en premier lieu.